Chapitre 39e. Quelques instants après, nous descendions une rampe très allongée de la côte canadienne. Cette rampe nous conduisit au bord de la rivière, presque entièrement obstruée de glace. Là, un canot nous attendait pour nous passer en Amérique. Un voyageur y avait déjà pris place. C'était un ingénieur de Kentucky qui déclina ses noms et qualités au docteur. Nous embarquâmes sans perdre de temps, et soit en repoussant les glaçons, soit en les divisant, le canot gagna le milieu de la rivière où le courant tenait la passe plus libre. De là, un dernier regard fut donné à cette admirable cataracte du Niagara. Notre compagnon l'observait d'un œil attentif. « Est-ce beau, monsieur ? » lui dis-je. « Est-ce admirable ?»« Oui, » me répondit-il. « Mais quelle force mécanique inutilisée ! Et quel moulin on ferait tourner avec une pareille chute ?» Jamais je n'éprouvais envie plus féroce de jeter un ingénieur à l'eau. Sur l'autre rive, un petit chemin de fer presque vertical, mu par un filet détourné de la chute américaine, nous hissa en quelques secondes sur la hauteur. À 1h30, nous prenions l'express, qui nous déposait à Buffalo à 2h15. Après avoir visité cette jeune grande ville, après avoir goûté l'eau du lac Erie, nous reprenions le New York Central Railway à 6h du soir. Le lendemain, en quittant les confortables couchets d'un sleeping car, nous arrivions à Albany, et le railroad du Hudson, qui court à fleur d'eau le long de la rive gauche du fleuve, nous jetait à New York quelques heures plus tard. Le lendemain, 15 avril, en compagnie de mon infatigable docteur, je parcourus la ville, la rivière de l'Est, Brooklyn. Le soir venu, je fis mes adieux à ce brave Dean Pitferge, et en le quittant, je sentis que je laissais un ami. Le mardi 16 avril, c'était le jour fixé pour le départ du Great Eastern. Je me rendis à 11h au 37e pier, où le temps d'air devait attendre les voyageurs. Il était déjà encombré de passagers et de colis. J'embarquai. Au moment où le temps d'air allait se détacher du quai, je fus saisi par le bras. Je me retournai. C'était encore le docteur Pitferge. « Vous, m'écriai-je, vous revenez en Europe ?»« Oui, mon cher monsieur. »« Par le Great Eastern ?»« Sans doute, » me répondit en souriant l'aimable original. « J'ai réfléchi et je pars. »« Songez donc. » Ce sera peut-être le dernier voyage du Great Eastern, celui dont il ne reviendra pas. La cloche allait sonner pour le départ quand un des stewards du Fifth Avenue Hotel, accourant en toute hâte, me remit un télégramme daté de Niagara Falls. Hélène est réveillée. Sa raison tout entière lui est revenue, me disait le capitaine Corsican, et le docteur répondait. Je communiquai cette bonne nouvelle à Dean Pitferge. Répondait, répondait. Répliqua en grommelant mon compagnon de voyage. « Moi aussi, j'en réponds. Mais qu'est-ce que cela prouve ?»« Qui répondrait de moi, de vous, de nous tous, mon cher ami, aurait peut-être bien tort. » 12 jours après, nous arrivions à Brest, et le lendemain, à Paris. La traversée du retour s'était faite sans accident, au grand déplaisir de Dean Pitferge, qui attendait toujours son naufrage. Et quand je fus assis devant ma table, si je n'avais pas eu ces notes de chaque jour, oui, ce Great Eastern, cette ville flottante que j'avais habitée pendant un mois, cette rencontre d'Hélène et de Fabian, cet incomparable Niagara, j'aurais cru que j'avais tout rêvé. Ah, que c'est beau les voyages, même quand on en revient, quoi qu'en dise le docteur. Pendant 8 mois, je n'entendis plus parler de mon original, mais un jour, la poste me remit une lettre couverte de timbres multicolores et qui commençait par ces mots. À bord du Coringue, récif d'Auckland, « Enfin, nous avons fait naufrage !» Et qui finissait par ceci. « Jamais je ne me suis mieux porté. » Très cordialement votre, Dean Pitferge. Ainsi s'achève « Une ville flottante » par Jules Verne.